La chronique de chasse de Mathieu Roy, une présentation de Alltech. Vous craignez la chaleur pour votre prise durant la chasse? Alltech a tout ce qu'il vous faut avec un nouveau système de réfrigération à installation rapide pour une chambre froide. Venez en magasin rencontrer nos professionnels qui vous expliqueront cette nouvelle technologie au 428e avenue d'Olbeau-Mistassini. Alltech, 418-276-4436. Toute notre équipe souhaite une belle période de chasse à tous les chasseurs et vous invite à la plus grande prudence pendant cette période. Amis chasseurs, c'est le grand temps de se préparer pour la saison qui s'en vient. Chez Dolbeau Oxygène, on a tout ce qu'il vous faut, que ce soit propane, cuisinière, glacière. Notre équipe saura bien vous conseiller. On a aussi un vaste choix de chaufferettes. Dolbeau Oxygène, 303 8e avenue, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0555, 418-276-0555. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent une belle période de chasse à tous les chasseurs et est fier d'être un partenaire de la chronique de chasse de Claude Roy. On va parler de chasse, c'est le début de la chasse, c'est le début que le monde vire fou. Au lac Saint-Jean, on en parle avec Mathieu Roy. Salut Mathieu! Salut les amis. Mathieu, le monde vire fou ici, donc je ne sais pas si ça m'a fait à Québec, là, mais ici le monde, je ne sais pas, quoi que c'est moins pire qu'avant, je pense qu'il... Le monde vire encore fou, tout le monde souhaite, la semaine passée on a parlé de température, fait que les gens ils souhaitent bien avoir des températures adéquates, puis ça, même malgré la chaleur, on en parlait la semaine dernière, je dois dire que je vois passer des photos sur Internet, puis il y a quand même beaucoup de monde qui ont des bons succès de chasse jusqu'à date. Ouais. OK, fait que ça va bien à travers la province présentement, malgré la température, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui sont corrects puis qui sont chanceux. Là. OK. Donc, on va y aller maintenant avec... Mais avant de te parler de la chasse, il y a une nouvelle qui est tombé, parce qu'il n'est pas tombé, c'est pas officiel encore, mais le chevreuil serait menacé en raison d'une maladie. Bon, ça, c'est un dossier qui est problématique depuis, je te dirais, déjà une douzaine d'années, OK? Parce que c'est un dossier qui vient des États-Unis. Écoute, la maladie, la MDC, qu'on appelle la maladie débilitante chronique du chevreuil, est un fléau qui est arrivé aux États-Unis il y a 15 ans à peu près, et déjà il y a une douzaine d'années, on commençait à en parler ici au Québec, s'assurer de faire un suivi à ce niveau-là, parce que c'est problématique, là. C'est une maladie qui est dégénérative chez l'animal, et quand ça rentre dans un endroit, c'est difficile de s'en sortir. Okay. Donc c'est très très difficile de s'en sortir, donc il faut simplement vérifier si... on est capable. Donc, c'est ce que le gouvernement est en train de faire présentement. Penser peut-être à fermer des zones parce que on a un cas recensé dans les Laurentides. OK. Et c'est une maladie qui est transmissible par les selles, les urines, la salive des animaux, etc. Okay. Donc là, présentement, ben on a une problématique à ce niveau-là. Mais comme je te dis, ça fait longtemps quand même qu'on en parle. OK. Donc, si c'est que ça va arriver finalement, tu penses-tu que... Le fait que ça fait longtemps qu'on en parle, c'est pas nouveau, dans le fond? Ben, c'est pas nouveau, sauf qu'on n'avait jamais eu de cas recensé au Québec. Ouais, OK. Donc, aujourd'hui, on a un premier cas qui vient d'un parc d'élevage. Faut faire attention. Mais c'est-tu un cas isolé? Ça peut être considéré comme un cas isolé, puis... Ben, si la maladie est rendue ici, c'est pas un cas isolé. OK. Donc, il y a probablement... ils l'ont trouvé chez un gibier, mais il est peut-être pas tout seul. Parce que ça se transmet, comme je te disais, par les urines, par-ci. Et la problématique, c'est ça. Ça venait des fermes d'élevage aux États-Unis dans lesquelles il y avait des grosses concentrations de gibier dans peu d'espace. Et c'est là que les maladies se développaient. Et la maladie au Québec, elle s'est développée dans un parc d'élevage de serres rouges. Okay. Donc, mais ça peut sortir. Tu sais, puis aux États-Unis, maintenant, ils ont interdit la vente d'urine naturelle pour la chasse. Okay. Donc, quand tu vas acheter de l'urine pour apporter ton gibier, il faut que tu utilises des urines synthétiques. Au Québec, cette loi-là, il en parle depuis longtemps, mais c'est pas fait encore. Okay. Donc, on utilise encore, nous autres, l'urine de chevreuil, mais les gens qui produisent cette urine-là, ils produisent ça dans des enclos ou dans des parcs avec un cheptel à eux autres de gibier. Donc, la problématique vient de ces endroits-là principalement Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, on a fermé la vente d'urine naturelle et tout le monde s'est rabattu sur le synthétique. Et okay. La preuve aussi que ça s'en venait peut-être au Québec et qu'on commence à y penser, c'est que même les compagnies québécoises ont commencé à fabriquer des produits, des leurres et des urines synthétiques pour remplacer éventuellement l'urine naturelle en cas que le gouvernement fermerait le droit de vente de ces produits-là. Donc, on a une problématique qui est là, sur laquelle le ministère travaille présentement. Si c'est, comme je te dis, si c'est rentré dans une région, c'est parce qu'il y en a ailleurs. Donc, il faut l'attaquer tout de suite. Et c'est pour ça que le gouvernement parle même de fermer ces zones de chasse-là pour être sûr d'avoir peut-être être capable de passer un automne à observer puis à prélever puis pour être sûr que la maladie ne se transmette pas dans d'autres territoires. OK. Donc, on va avoir des nouvelles bientôt, j'imagine? Ah, écoute, je dirais que le ministère est en train de travailler à plein là-dessus. Toutes les équipes de biologistes et de chercheurs du ministère sont sur le dossier. C'est un cas, je vais le dire, c'est un cas urgent à régler. Parce que sinon, ça peut mettre en péril le cheptel québécois au complet, parce que c'est une maladie des cervidés. Donc là, c'est celui-là chez le cerf rouge, mais ça peut arriver chez l'orignal, ça va arriver chez le chevreuil, c'est pas une maladie qui est juste pour le chevreuil, c'est les cervidés en général. Donc tout ce qui est dans la famille des cervidés peut attraper cette bactérie-là, cette maladie-là. C'est pas une maladie qui se transfère à l'homme encore, il n'y a pas de cas recensé comme la vache folle l'était. Par contre, au niveau des cervidés, entre eux autres, c'est problématique. Et c'est une maladie dégénérative du cerveau qui va aussi affecter la viande. Okay. Donc, la viande est non comestible. Fait que même si c'est pour ça que le gouvernement veut vraiment s'assurer de mettre un stop à cette maladie-là, à la propagation de cette maladie-là rapidement, parce que il y a des gens qui vont s'en aller dans le bois, qui vont chasser et qui veulent la consommer, leur viande. Mais tu transmets la maladie à gauche, à droite, puis dans des boucheries, etc., ben ça peut devenir problématique. OK. Donc, c'est évidemment, on va en savoir davantage. Mais c'est-tu recensé? Est-ce que les chevreuils sont recensés au Québec? On compte combien de chevreuils, d'après toi? Je sais pas les derniers inventaires. OK. Je sais pas les derniers inventaires, mais tu sais, quand tu parles d'une région comme les Laurentides, il y a quand même une bonne population de chevreuils. Tu as des régions qui sont un petit peu moins fortes présentement. Tu sais, des fois, tu as des bonnes années, tu as des années moins fortes. Quand on a des hivers plus durs, tu as des régions qui s'en sortent mieux, puis tu as des régions qui s'en sortent plus difficilement parce que, exemple, le couvert de neige est trop épais, fait en sorte qu'il y a plus de mortalité chez les chevreuils, etc. Donc, ça devient problématique. Mais présentement, au Québec, qu'est-ce qu'il y a comme population de chevreuils exactement? Je peux pas te le dire, mais tu sais, juste pour te donner une idée, si une maladie comme cette maladie-là, la MDC, entrait, exemple, sur l'île d'Anticosti, ben, c'est aussi bien de raser l'île d'Anticosti au complet parce que tu infectes la population de gibier dans le temps de le dire, tellement okay. qu'il y a du gibier sur l'île. OK. Donc tu veux nous parler de quoi aujourd'hui dans la période que le monde vient fou? Ben écoute, moi je pense qu'on reviendra jamais assez sur la prudence. Ouais. Parce okay. que le monde vire fou. Parler de technique, parler de produits. Les gens ils rentrent dans les magasins puis ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin. Aujourd'hui je pense que la prudence est de mise. Le problème c'est qu'on rentre tous dans le bois avec cette mentalité là puis on est tous nerveux puis stressés parce qu'on veut prélever du gibier, on veut gagner par-dessus la bête, on veut avoir le dessus. Mais tu sais, il y a des territoires où c'est pas des territoires privés, où t'es pas tout seul dans ton coin. Tu sais, d'exemple, au lac Saint-Jean, vous avez beaucoup de ZEC. Ben, un ZEC, t'as bien beau, toi, avoir ton petit secteur, mais des fois, il y a du monde qui passe aussi. Ça te fait suer d'avoir un camion qui passe sur ton chemin, mais il faut qu'il passe. Donc, le civisme, la sécurité, je pense, c'est de mise à ce temps-ci parce qu'il commence à avoir de plus en plus de monde dans le bois. OK. Moi, Mathieu, je sais pas, j'en parlais avec ton père l'année passée, puis je trouvais ça... j'ai pas chassé du tout. J'aime pas ça, puis je connais pas ça, puis je veux rien savoir, mais j'en parle pareil à la radio, parce que c'est pas parce que moi j'en parle. Faut avoir l'esprit ouvert dans la vie, hein. Puis c'est pas parce que moi j'aime pas ça que je suis pas obligé d'en parler, là. Mais je veux te parler... Moi, ce que j'aimerais te parler, là, c'est ceux et celles qui s'approprient des territoires. Comment tu trouves ça? Excuse-moi, Danny, il y a quelqu'un qui me parle en même temps. Ceux et celles qui s'approprient le territoire, comment tu trouves ça? Ton père, l'année passée, trouvait ça ridicule. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Ils n'ont pas payé, puis pourtant, assez. C'est un peu pour ça que je parlais de civisme. Okay. Tu sais, moi, j'ai chassé dans des territoires où des gens prenaient beaucoup trop grand pour ce qu'ils avaient vraiment besoin pour être sûr de ne pas avoir d'autres chasseurs dans leur coin. Tu sais, des histoires de. Oui, c'est quand même pas payé. C'est pas eux, ça, je trouve ça terriblement niaiseux. C'est pas eux. Ouais. C'est des chasses gardées, puis ni toi ni moi, on va pouvoir changer les choses. Ouais. Ça date de Mathusalem, puis c'est des vieilles histoires de gens qui sont là, puis qui disent que c'est à eux autres, parce que leur père était dans cette zec-là, puis qu'eux autres sont dans cette zec-là aussi, ou sur ce territoire-là, puis tu sais, ils vont mettre des pancartes à l'entrée d'un territoire, là, chasseurs à l'affût pour les saisons 2018 à 2025. Ouais. Pour dire à tout le monde tout de suite, ça c'est mon territoire, tu viens pas chasser chez nous. C'est pour ça que, parce qu'on sait pas vivre, des fois en chasseur, qu'on a des problématiques dans certaines régions. Mm. Puis ça joue du coude pas mal. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la peau du gain. Les gens pensent que parce qu'il y a un autre chasseur à côté, eux autres, leur gibier va être parti, va être ailleurs, puis ils n'auront plus. Mais ça fait partie de la game. OK. Mathieu, on se parle la semaine prochaine? Oui, super, vendredi prochain, on sera là. Commentaire de Mathieu, ouais.